Bivouaquant devant le château, Nick s'endort, mais Patak, déjà effrayé en imagination, redouble d'effroi quand, à minuit, la cloche du château se met à sonner et que d'étranges lueurs et rugissements, pendant une minute, l'affolent encore plus et réveillent Nick. Au matin, le château se révèle moins délabré qu'on le croyait, mais difficile d'accès. Très heureusement, il existait, au-dessus de la poterne, une sorte de meurtrière, et, en se servant de l'une des chaînes du pont-levis, qui pendait jusqu'au sol, il ne serait pas très difficile à un homme leste et vigoureux de se hisser jusqu'à cette embrasure. Tous deux eurent bientôt atteint le fond du fossé. Nick Deck n'y a rien perdu son énergie physique et morale, agissait avec sang-froid, tandis que le docteur le suivait machinalement, comme une bête que l'on tire par une corde. Puis Nick Deck commença à grimper le long de la chaîne, et ce ne fut qu'un jeu pour ses muscles de montagnard. Mais le soldateur se vit seul, voilà que le sentiment de la situation lui revint dans une certaine mesure. De plus, il constate que ses pieds sont retenus comme s'il était saisi entre les mâchoires d'un étau. Cependant, Nick Deck était parvenu à la hauteur de la poterne et venait de poser sa main sur l'une des ferrures où s'emboîtait l'un des gonds du pont-levis. Un cri de douleur lui échappa, puis, se rejetant en arrière comme s'il était frappé d'un coup de foudre, il glissa le long de la chaîne qu'un dernier instinct lui avait fait ressaisir et roula jusqu'au fond du fossé. « La voix avait bien dit qu'il m'arriverait malheur, » murmura-t-il, et il perdit connaissance.